محمد له أبناء أبناء صغار هؤلاء طلاب في المدرسة très bien محمد له أبناء صغار هم طلاب في المدرسة نعم أزملاؤك مجتهدون نعم هو مجتهد أزملاؤك مجتهدون نعم مجتهدون نعم هم مجتهدون بارك الله فيك tout le monde a compris cet exercice Ayman Saber Saber vous avez compris c'est bon أزملاؤك مجتهدون comment il reste pareil non il devient au pluriel tout devient au pluriel Faites-lui voir le mot Zumala. Le dernier, le 10. Là, c'est Azamiluka. Azamiluka. Azumala ou K. Là, mais au pluriel, c'est ça. Naam. Taïb. Azumala ou K. Mujtahidouna. Naam, huwa mujtahidoun. Hum mujtahidoun. Taïb, Inch'Allah. Adif l'asma l'atiya, marratan ila ism al-zahir, wa ukhra ila dhamir, kama wa muwaddah fil mithal. Adif, ça veut dire quoi, Mahdi? Adif, poser. Pose. Abdelkarim, ça veut dire quoi, Adif? Wahbi? Wahbi, Wahbi. Classé? Non. Mudaf, mudafili, c'est quoi le mudaf, mudafili? C'est joindre une chose, annexer une chose. Hein, les frères, j'ai déjà traduit ce mot-là. Non, il n'y a pas de mal. Quand je dis placer, en fait, je voulais dire placer. Par exemple, les mots là, qui sont là, tu les places avec ceux qui coordonnent. Là, annexer. Là, là, c'est pas ça. Annexer une chose, c'est la joindre. Non. Lui, t'as pas dit place là. Non, non. Lui, t'aurais dit place, t'aurais dit par exemple va. Non. T'as compris ? Non, non. Ava fâché, c'est joindre une chose à une chose. Non. C'est compris ça ? Hein ? Afwan. Taïb, Inch'Allah ? Barakallahu fikoum. Après, il te dit Adif al-Asma al-Atiya marra ila ism al-Zahir. وأخرى إلى الضمير ما معنى اسم الظاهر؟ آه، c'est l'inverse du ضمير. اسم ظاهر c'est quoi par exemple؟ كتاب زيدين. زيدين c'est un ضمير ou c'est un اسم ظاهر؟ زيدين. ouais زيد à la base زيد le prénom. ouais c'est quoi؟ c'est un ضمير؟ c'est quoi un ضمير؟ t'es sûr؟ طيب Un exemple de Damir et Mahdi. Zaidouna. C'est-à-dire, comment un pronom. Tu sais que les frères, moi je fais ça, mais en vérité, je devrais avancer. Je me permets de réviser avec vous, alors que normalement, ça, c'est des cours qu'on a déjà vus. Damir, il me dit Zaid. C'est pas possible, ça. C'est quoi un Damir? أنا أنت كتابه كتابك هذا معنى الضمير هاني في خارج فيزا الله يبارك فيكم طيب يعني اسم ظاهر سي كوا سانو أبارون كي لانفيرس دو ضمير سير دي موا لو ليفر دو زيد تو دي كومون محمد كتاب زيد لا با كتاب هذا كتاب زيد فهم سيفي أين الاسم هنا الاسم ظاهر الذي هو مضاف إليه سي زيد هذا كتاب زيدين سي فرون نون اي سي تو لو مي دان ان ضمير ايمن تو ديرا كوا هذا كتابه هذا كتابه ني اون بارل توجور دو زيد است كاين ديفيرونس انتر كتابه و كتاب زيد او نيفو دو مضاف اليه لا لي دو سون مضاف اليه مي انا سي كوا ان اسم اي لوت سي كوا ان ضمير زي كومبري سا ان ايفا زي كومبري سا سافير بيان طيب Alors on répète. Adif l'asm al-atiya marratan ila ism al-zahir. Ism al-zahir c'est quoi? Par exemple tu diras Hada kitabu zaydin. Zayd on a ism al-zahir. Hada qalamu muhammadin. Hadihi darrajatu. Par exemple Marwan. Tout ça c'est des asma al-zahira. C'est apparent. C'est l'inverse d'un quoi? D'un pronom. Vous avez compris? Et maintenant si je rends ces choses là, modaf, un dhamir, je dirais quoi?